marché s'allume. Je sais pas ce qui peut m'attendre, mais j'en veux plus qu'une. Mais yo, j'ai quand même pas marché s'allume. Fait qu'ils vont pas s'attendre à ce qu'on reste dans brume tout le temps. Yo, je sais pas c'est quoi qu'ils attendent, nous autres, mais on essaye de s'en sortir. Mais c'est pas de nos fautes. Ouais, c'est pas de ma faute si j'suis comme j'vis. Attiré par le truc, le money, tout c'est tout ce qui me donne envie de sortir la nuit. Je sais qu'on a rien qu'une vie, mais les États-Unis nous ont montré leur style de vie. Je sais que c'est pas parfait, ils sont ma pleine défaut. Mais moi, ce que j'fais, c'est tout pour pas tenir mon compte à zéro. Zéro, zéro. Soul, mais j'crosse pas de monde, j'suis fiable. Le monde peut savoir que ok, real beat, ouais, j'suis stable. J'veux me ramener si j'ai fax, pense faisant plein d'ennemis que j'vais atteindre ça. Puis j'suis là pour l'atteindre, mon gars. J'suis pas là pour me plaindre, mon gars, y'est pas spécial. Mais j'm'en fous, ok, j'm'envole comme une navette spatiale. J'veux me rendre, toucher la lune, ok, peut-être pas. Mais me rendre proche de ceux que j'aime, ça serait bien correct, ça. Chaque fois que j'vais pour qui j'utilise mon swag. J'suis courant, mais j'me noie, pas dans vague. J'suis comme une bouteille, mais le message passe pas. Si tu la casses pas, ce qu'il y avait d'écrit, tu le sauras pas. Yo, je sais pas c'est quoi qu'ils attendent, nous autres. Mais on essaye de s'en sortir, mais c'est pas de nos fautes. Ouais, c'est pas de ma faute si j'suis comme j'vis. Attiré par les chicks, le money, le pussy, tout ce qui me donne envie de sortir la nuit. Je sais qu'on a rien qu'une vie, mais les États-Unis ont monté leur style de vie. Je sais que c'est pas parfait, ils sont ma pleine défaut. Mais moi, ce que j'fais, c'est tout pour pas tenir mon compte à zéro. Zéro. Zéro. Yeah. Yeah, c'est ça. Street life. Yo, c'est la rue, financée par la rue. À date, c'est le seul cash qui est rentré. Fuck you. Yo, je sais pas c'est quoi qu'ils attendent, nous autres. Mais on essaye de s'en sortir, mais c'est pas de nos fautes. C'est pas de ma faute si j'suis comme j'vis. Attiré par les chicks, le money, le pussy, tout ce qui me donne